Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La communauté française pour sauver l'Empire. C'est en 1958, quand la 5e République est proclamée et que le général de Gaulle est au pouvoir, qu'est instituée la communauté proposée aux territoires sous domination française. L'expérience dure 2 ans, jusqu'en 1960. La communauté est-elle vraiment l'échec d'un Commonwealth à la française? Elle fait suite à l'Union française, dont elle est l'héritière, une association entre la France et ses colonies pour sauver l'Empire, avec la crainte de s'entendre répondre « Laissez-nous indépendants et occupez-vous de vos unions ». Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous? C'est celui de la communauté. Qu'est-ce que vous foutez, Moulinier? Ben, je fais un petit peu de tri. Là. Vous jetez vos dossiers Afrique? Oh, ça sert à rien de garder des dossiers sur des colonies qui n'en sont plus. Ça encombre. Ça encombre. Ils n'existent plus, ces pays? Ils ont été rayés de la carte? Ils ont été engloutis? Vous pensez que parce qu'ils ont changé de nom, ils n'ont plus besoin de la France? Ils ont voulu l'indépendance. Et? L'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. Bon, alors ramassez-moi tout ça et reprenez les choses en main. La France ne va pas lâcher ses frères d'Afrique parce qu'ils ont voulu des élections. En Afrique noire, il y a des élections et des élections régulières. D'ailleurs, à propos d'élections, je vous rappelle qu'un de vos nouveaux États n'a toujours pas de président. Les élections ont lieu dans 15 jours. C'est ça. En Afrique noire, il y a le suffrage universel. Donc il ne nous reste que 15 jours pour décider qui ils vont élire. Le général de Gaulle, François Mitterrand, mais Mitterrand l'homme politique des années 1950, et la série au service de la France qui se croise pour débuter cette émission sur la communauté française. Bonjour Thomas Deltombe. Bonjour. Alors nous aimons la chronologie bien sûr, 1958 c'est la communauté française, mais puisque nous aimons la chronologie, pour placer ça sur un temps un peu plus long, ça n'apparaît pas de rien cette communauté française. Ah non, la communauté française c'est une longue histoire finalement qui prend ses racines dans la longue histoire coloniale depuis le 19e siècle. Le mot communauté n'a pas été inventé par le général de Gaulle. C'est un mot qui apparaît dès les années 40, hein, dont on discute dès les années 40. C'est ce qu'on explique dans le livre que vous avez ici, « L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique ». On raconte même que ce mot « France-Afrique » fait allusion dès 1945, hein, il apparaît dès 1945, en relation avec cette idée de communauté et de Commonwealth britannique, ce dont nous allons discuter aujourd'hui, je crois. À une histoire de la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir, édité aux éditions du Point, et c'est une somme, faut le dire, mais il fallait bien ça. Pour cette histoire de France-Afrique à replacer dans une histoire plus longue, et vous le dites tout de suite, hein, Thomas Deltombe, ce mot même de France-Afrique, c'est 1945, mais attention, le mot est une chose, le sens donné au mot en est une autre. C'est quoi la France-Afrique évoquée en 1945 ? Merci pour cette question, parce que je crois que le mot France-Afrique est un peu l'objet d'un malentendu. C'est-à-dire que comme il est utilisé aujourd'hui dans des milieux militants, français et africains, on a l'impression que finalement c'est un mot pas sérieux. Et nous, dans ce livre, on essaie justement de prendre au sérieux ce mot, d'essayer d'en donner une définition précise, puisqu'il est partout dans le débat public, y compris dans l'intitulé de votre émission, autant essayer de comprendre de quoi on parle, et non seulement une définition, mais aussi une généalogie. D'où vient ce mot? Comment il a évolué? Qu'est-ce qu'il peut vouloir dire? Alors, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire? Nous, on propose une définition, hein, je vous la fais courte, mais globalement, c'est un système de domination qui s'inscrit dans l'histoire longue de l'impérialisme français, qui est fondé sur l'alliance entre une partie des élites françaises et une partie des élites africaines. Et qui, ce système a deux facettes. Une facette officieuse. Souvent, on réduit la France-Afrique à cette facette officieuse, le Foccartisme, Jacques Foccart, etc. Mais ce système a aussi une facette officielle. Et donc là, c'est tout à fait public, hein, la coopération, le franc CFA, les bases militaires en Afrique, tout ça, c'est pas du tout caché. Et par ailleurs, une des dimensions importantes de la France-Afrique, c'est sa souplesse, sa malléabilité, elle sait s'adapter. Et c'est ça qui est intéressant dans la première occurrence que j'ai retrouvée du mot France-Afrique, qui apparaît à un moment très précis, le 15 août 1945, à la une du journal L'Aurore. 15 août 1945, c'est la capitulation du Japon. Et il y a un journaliste en une du journal qui se dit « Mais bon, le monde va changer, tout va changer, c'est la fin de la guerre. » qu'est-ce qui est important pour nous, Français? Et il dit, alors je ne vais pas vous citer la citation entière, mais il dit, il faut que nous nous concentrions sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce qu'il appelle lui-même, il dit, ce que j'appellerais la France-Afrique. En un seul mot, avec la CEDI, hein, vraiment, la France-Afrique, cette union intime, presque fusionnelle, entre la France et le continent africain. Et ça, et il dit, ce que je disais tout à l'heure, il dit, il faut s'inspirer du Commonwealth britannique. Et je crois qu'en fait, beaucoup de choses sont dites là. C'est-à-dire que cette idée qu'il faut une fusion entre la France et l'Afrique, c'est une vieille idée qui remonte au 19e siècle. Cette idée qu'il faut finalement lâcher le reste qui compte, c'est vraiment cette relation nord-sud, là, France-Afrique. Ça nous rappelle Onésime Reclus, 1904, lâchons l'Asie, prenons l'Afrique. Et le sous-titre, c'est « Où renaître? Comment durer ?» Tout est dit, presque. Hein. Jean Piot, ce journaliste-là, qui est maintenant oublié, fait directement allusion à ça, finalement. Il faut se concentrer sur notre relation fusionnelle avec l'Afrique, mais pour que cette relation soit durable, et c'est là que c'est très important, pour que cette relation soit durable, il faut l'assouplir. Si on est dans un système colonial trop rigide, il va finir par s'effriter, voire se casser. Et finalement, cette fusion à laquelle on aspire va se déliter. Donc là, vraiment, je pense que beaucoup de choses sont dites et on a tendance à dire, oui, la France-Afrique, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, si, il y a des définitions, il y a une généalogie. Je pense que c'est intéressant de le prendre au sérieux pour comprendre ce qui se passe et notre relation actuelle avec le continent africain. Beaucoup de souplesse dans cette notion de France-Afrique. Une souplesse nécessaire car le contexte fait que la relation ne peut pas être la même. En 1945, on le sent bien, il se passe quelque chose. Les Européens qui veulent conserver une forme de domination sur ces territoires ou une relation particulière avec ces territoires sont obligés de penser quelque chose. Mais c'est à imaginer. Alors on imagine en regardant les autres modèles, par exemple. C'est ça. Puis on est dans un monde où il y a énormément de bouleversements. En 1945, tout est bouleversé. De nouvelles puissances, les États-Unis, l'URSS, des revendications dans les pays colonisés, dans tous les pays colonisés. Il va falloir, pour les élites françaises, chercher à répondre à la fois aux défis posés par les puissances concurrentes et également aux aspirations des colonisés. Donc toute l'idée, c'est de réformer pour durer, changer quelque chose pour durer. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Jean Piot, mais qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes administrateurs coloniaux qui se sont illustrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. On pense à Henri Laurenti, par exemple, qui a été celui qui a organisé la conférence de Brazzaville en 1944, mais à beaucoup d'autres, hein, on pourra citer des noms si vous voulez. Et également, au fur et à mesure d'un certain nombre de personnalités politiques, vous avez évoqué François Mitterrand, sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de ce livre, et qui est emblématique de cette idée. C'est-à-dire, on dit parfois, François Mitterrand, dans les années 50, c'était un décolonisateur, etc. De mon point de vue, c'est pas du tout vrai. C'est pas parce qu'il voulait réformer le système, le moderniser, qu'il voulait y mettre fin. Au contraire, il voulait le moderniser pour le faire durer. Et là, on a beaucoup, et il a été donc, comme vous savez, ministre de la France d'Outre-mer de 1950 à 1951, et il le dit lui-même dans ses mémoires, ça a été un moment fondateur de sa carrière. Et c'est vrai, ça a vraiment été un moment fondateur de sa carrière, et il a essayé ensuite, il a écrit deux livres dans les années 50, aux frontières de l'Union française, dont la première partie s'appelle « L'Afrique d'abord », et puis « Présence française et abandon », donc le premier en 1953, le deuxième en 1957, où il défend vraiment cette politique de liens fusionnels avec l'Afrique, entre guillemets, en tout cas avec un certain nombre d'élites africaines, avec lesquelles il essaie de justement mettre sur pied ce qu'il appelle lui-même la communauté franco-africaine. En 1958, François Mitterrand n'est plus ministre depuis peu, l'année précédente. Il est député toujours de la Nièvre et il s'exprime sur ses relations avec l'Afrique. En Afrique noire, il y a le suffrage universel. Le suffrage universel désigne des assemblées territoriales munies de pouvoir législatif. Ces assemblées territoriales désignent des gouvernements, des conseils de gouvernement, de telle sorte que ce sont les autochtones eux-mêmes qui sont appelés à gérer leur territoire sous certains contrôles, sous certaines règles, cela se conçoit, qui iront d'ailleurs en s'estompant, en diminuant. Mais ceux qui nous parlent, M. Houphouët-Boigny, aujourd'hui ministre de la Santé publique du gouvernement de M. Gaillard, M. Modibo Keïta, secrétaire d'État à la présidence du Conseil du même gouvernement, l'un représentant de la Côte d'Ivoire, l'autre représentant du Soudan, ici M. Senghor au Sénégal, là M. Sékou Touré en Guinée, représentent valablement leur peuple et ce qu'ils disent peut être cru parce que lorsque on a abouti à un accord, il est tenu par des gens responsables. Voilà pourquoi nous pouvons franchement espérer qu'en ce qui concerne l'Afrique noire, par un accord mutuel entre gens représentatifs, les accords seront tenus et respectés dans le cadre d'une communauté désirée, c'est ce que chacun dit. Tous. Nous étions en février 1958, François Mitterrand s'exprimait, Thomas Deltombe, que vous évoque une telle archive. Nous sommes en février 1958, c'est-à-dire que la communauté française n'existe pas encore, c'est l'Union française. Alors c'est une archive extrêmement intéressante et surtout qui, vous dites février 1958, c'est un moment stratégique, donc on est à la fin de la 4ème République, mais personne ne le sait à l'époque. Et on est dans la relation franco-africaine, dans l'analyse des conséquences de la mise en œuvre de la loi cadre de fer. La loi cadre de fer, hein, ça a été une réforme très importante des relations franco-africaines qui a permis de mettre au pouvoir, mais au pouvoir partiel, un certain nombre de responsables politiques africains auxquels on a donné des responsabilités dans chacun de leurs territoires. C'est une loi qui est assez perverse, à mon avis, dans la mesure où elle met en avant les responsables politiques africains en disant « Maintenant, débrouillez-vous pour contenir vos peuples, chacun dans votre territoire. Puis nous, les Français, on sera derrière. » Et c'est d'ailleurs les gouverneurs de chacun des territoires qui restent les chefs des conseils de gouvernement qui ont été institués par la loi cadre. Donc, François Mitterrand analyse tout ça. Il cite un certain nombre de gens qui sont devenus, par la suite, souvent les chefs d'État de leurs États respectifs au moment des indépendances. Et oui, et c'est très intéressant parce qu'il pousse vraiment cette idée de communauté. Il a essayé vraiment d'en faire son cheval de bataille dans ces années-là. Il a même créé un mouvement politique, figurez-vous, en décembre 1957, sur cette idée de communauté française, le Rassemblement démocratique pour la communauté franco-africaine. C'est assez incroyable. Il a déposé, quelques jours avant cette interview-là, il a déposé à l'Assemblée nationale un projet de communauté franco-africaine. Ça, j'ai découvert ça quand j'ai compulsé les archives. Et d'ailleurs, quand, quelques mois plus tard, le général de Gaulle va instituer la communauté, hein, ce dont on va parler tout à l'heure, j'imagine, il va se sentir un peu dépouillé. Hein, il va se dire, non seulement j'ai pas réussi à accéder aux plus hautes marges du pouvoir, il visait évidemment la présidence du Conseil, mais en plus de ça, mon projet phare a été, entre guillemets, spolié par des gaullistes qui me détestent par ailleurs. Donc là, je pense qu'il y a une frustration énorme de Mitterrand à cette époque-là, enfin, dans les mois qui vont suivre. Là, il est au fait de sa gloire, hein, vraiment, mais la chute va être brutale pour lui. Ben oui, parce qu'il se fait piquer son idée de communauté. La loi cadre de fer, 1956, nous évoquons cette communauté, et puis la pensée de François Mitterrand, l'année suivante, en fait, ça va très vite tout cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recul pour voir les choses se mettre en place. La loi cadre de fer, deux ans plus tard, est complètement remise en cause. Parce que dans ces années 1950, tout va très vite. En fait, partout dans le monde, ça bouge et on sent que ça ne peut pas durer longtemps tel que c'est posé à ce moment-là. Oui, alors il y a un peu cette course à l'échelle, c'est-à-dire que pendant longtemps, dans les années 50, les dirigeants français ont essayé de freiner le mouvement de décolonisation. On va le freiner le plus possible, on va l'empêcher si possible, puisqu'on peut pas l'empêcher, on va le freiner. Et à un moment donné, il y a un moment de bascule au milieu des années 50, autour de la présidence du Conseil de Mendès France, où il y a un changement de stratégie d'une partie des élites, donc Mendès France, Mitterrand, à toute cette école-là, disons réformiste coloniale, qui dit, en fait, il faut plutôt accélérer le mouvement, pour prendre de vitesse les nationalistes africains. Donc on va leur proposer quelque chose qu'ils ne pourront pas refuser, mais qui va moins loin que ce qu'ils pourraient espérer. Vous voyez, c'est là qu'il y a une petite entourloupe qui est intéressante. Dans une certaine mesure, ça va marcher. C'est-à-dire qu'un certain nombre de leaders africains vont dire « Ah bah, c'est déjà pas mal, on nous propose une vraie avancée. Allons-y, accompagnons ce mouvement réformiste. » Tandis que d'autres leaders africains vont dire « c'est un piège, on nous propose quelque chose, mais qui, à dessein, ne va pas suffisamment loin, et finalement, on nous met préemptivement une barrière contre des aspirations auxquelles des choses auxquelles on pourrait aspirer, des revendications qu'on pourrait avoir. » Parce qu'il y a une vraie logique, une vraie réflexion sur cette construction, l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, qui, en fait, correspond à une pluralité de situations. C'est très différent. C'est en ça aussi qu'on a du mal à comprendre cette volonté de mettre en place une communauté qui va s'appliquer à plein de territoires différents, et c'est pas pris en compte, ces réalités différentes. Je pense au Cameroun, par exemple. Alors oui, d'accord, je vois à quoi vous faites allusion. Effectivement, le problème, c'est que tous les territoires qu'on dit de l'Empire ou coloniaux africains n'ont pas les mêmes statuts. Et il y en a en particulier deux qui ont un statut très différent, qui sont des territoires sous tutelle de l'ONU, confiés en mandat, enfin en tutelle, à la France et pour partie à la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est le Togo et le Cameroun. Ces deux États ne font pas partie stricto sensu de l'Union française. Ce sont des territoires associés à l'Union française. Et il y a cette grande crainte que la brèche de la décolonisation s'engouffre, enfin que le vent de la décolonisation, pardon, s'engouffre dans ces deux brèches et fasse exploser l'ensemble. Et donc il faut, pour les responsables français sont obligés de négocier de façon parallèle des avancées différenciées d'un territoire à l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué pour eux, parce qu'ils sont obligés d'accepter un certain nombre d'avancées sur certains territoires et de refuser ces mêmes avancées sur d'autres territoires. Donc ça crée évidemment une dissymétrie entre les territoires. La communauté française, serait-ce l'échec d'un Commonwealth voulu par le général de Gaulle? Petit tour du côté du Royaume-Uni. God Save the Queen. Mélanie Torrent, bonjour. Enfin. Mélanie Torrent, il fallait bien le God Save the Queen pour vous accueillir. Vous êtes en duplex de Londres chez le correspondant de Radio France, Richard Place, professeur à l'université de Picardie, Jules Verne. Sans vouloir entrer dans une comparaison hasardeuse, la communauté française imaginée par le général de Gaulle peut-elle être comparée au Commonwealth britannique? Alors, sur un certain nombre de perspectives, d'ambitions qui ont été d'ailleurs évoquées à l'instant par Thomas, il y a effectivement un certain nombre de ressemblances. Un premier point est que le Commonwealth tel qu'il est conçu, tel qu'il est voulu au départ par les Britanniques, c'est réellement un outil de gestion de l'Empire. C'est une manière finalement de faire au début du XXe siècle, alors bien sûr à une époque antérieure au départ, mais un certain nombre de concessions, de réaménagements, de façon en fait à préserver l'ensemble impérial que le Royaume-Uni ambitionne. L'autre point qu'évoquait aussi à l'instant Thomas Deltombe, c'est celui de la malléabilité entre l'objet, entre le sens. Il y a un certain nombre de d'évolutions et en réalité la question qui se pose en se demandant en fait si la communauté telle qu'elle est voulue par de Gaulle est comparable au Commonwealth, elle pose la question en fait de quel Commonwealth parle-t-on? Le Commonwealth donc évolue et au moment où la communauté se met en place, donc en 58, il n'a plus du tout les caractéristiques qu'il avait au départ. Au départ, il regroupe vraiment donc dans les années 1930 les grands territoires de peuplement du Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Il comprend aussi à l'époque l'Irlande. Et puis, arrivé en 58, il comprend également un certain nombre de pays de l'Asie du Sud, l'Inde, le Pakistan, il comprend la Malaisie, il comprend désormais le Ghana. La reine est devenue uniquement le chef symbolique de l'organisation. Et la grande caractéristique des membres du Commonwealth qui font que, en réalité, malgré ces similitudes qu'on pourrait voir entre les deux organisations, l'ensemble est tout à fait différent, c'est que ne sont membres du Commonwealth que des États indépendants, souverains, qui ont gardé, alors pour certains, une allégeance à la couronne, pour d'autres, non, et sont devenus républiques. C'est le cas notamment de l'Inde qui fait changer de cette façon-là la définition du Commonwealth en 49. Et donc ça, c'est quelque chose qui vraiment distingue les deux ensembles. Et il y a bien sûr, alors qui transparaissait dans ce que je disais sans doute, mais qu'il faut vraiment, je pense, sur quoi il faut vraiment insister, c'est aussi le périmètre géographique de l'ensemble. Donc le Commonwealth va du Canada, de l'Australie, à l'Afrique du Sud, qui est à l'époque toujours là, donc sous régime de l'apartheid, et à l'Asie, à l'Afrique. Donc c'est aussi différent de cette façon-là. Et ce sont aussi peut-être les différences qui, pour les observateurs du gouvernement britannique à l'époque, quand ils regardent, quand ils examinent, et ça fait l'objet pour eux de vraiment de dossiers importants, ce que propose le général de Gaulle et ce qui se met en place à l'automne 58, c'est sans doute là aussi les différences qui dominent en ce sens. Oui, et puis on entend bien, dans ce que vient de nous dire Mélanie Torrent, combien la diversité est à prendre en compte. La souplesse, Thomas Deltombe, tant pour le Commonwealth que pour la communauté française, il y a la conscience de ceux qui pensent à ces organisations que tout cela doit rester très souple, étant donné qu'il y a une variété de situations. Et dans la comparaison entre les deux, c'est peut-être ça qui fait une similitude. Il faut créer quelque chose qui va permettre de sauver, de sauvegarder l'Empire autant qu'on le peut. Oui, en effet, il y a cette similitude, la souplesse. Je pense que on entend dans les discours des responsables politiques français et africains, d'ailleurs, en particulier Léopold Sédar Senghor, ces allusions au Commonwealth. C'est assez fréquent à l'époque. Simplement, je crois que beaucoup de ces responsables politiques ne savent pas exactement ce qu'est le Commonwealth, qui lui-même, comme le dit Mélanie, évolue énormément à cette époque. Donc il y a un peu cette idée que le Commonwealth, ce serait quand même une bonne idée, mais on ne sait pas exactement quelle idée c'est. De mon point de vue, j'ai l'impression que les Français regardent avec envie ce qui se passe du côté britannique, et en même temps avec une certaine angoisse. Et que le Commonwealth, c'est à la fois un modèle et un contre-modèle, c'est un aiguillon. L'idée, pour beaucoup de ces responsables politiques, français et africains, c'est finalement de faire un Commonwealth, mais encore mieux, entre guillemets, c'est-à-dire encore qui permet une fusion plus forte, plus souple et plus forte en même temps des relations franco-africaines, au point vraiment d'être dans cette logique fusionnelle, là, ce mot France-Afrique en un seul mot. C'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire on va faire comme eux, mais mieux. Et je pense qu'il y a quand même une différence assez notable, c'est que Mélanie parlait de la reine comme chef symbolique de l'organisation. Ça, c'est une question en France où on aime la centralisation, où on aime quand même une forme d'autorité centrale qui est un peu difficile, je crois, et ça notamment le général de Gaulle, lui ne souhaitait pas du tout être le chef de symbolique de quoi que ce soit. Oui, quand il est question de France-Afrique et pour définir ce qu'est cet objet historique, le mieux est de laisser la parole à mon général. Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous ? C'est celui de la communauté. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle, je le répète, chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement, oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. Il pourra la prendre aussitôt, un territoire déterminé pourra la prendre aussitôt s'il vote non au référendum du 28 septembre. Cela signifiera qu'il ne veut pas faire partie de la communauté proposée et qu'il fait en somme sécession. Et qu'il veut suivre son chemin, lui-même, isolément, à ses risques et périls. La métropole en tirera les conséquences, et je garantis qu'elle ne s'y opposera pas. Nous étions le 24 août 1958, et ce 24 août, le général de Gaulle annonce ce référendum. Il présente en fait ce qu'est la communauté, ou ce que peut être la communauté, Thomas Deltombe, avec, il s'est dit de manière très claire, la possibilité de l'indépendance. Alors c'est dit de manière très claire, mais en fait il y a un chantage là-dedans. C'est-à-dire qu'on dit, vous pourrez être libre à vos risques et périls, parce que l'important est là. C'est-à-dire que si vous êtes libre, on ne vous aidera pas. Vous venez de passer 400 ans à genoux, l'histoire de l'esclavage, la colonisation, mais vous pourrez être libre, mais on ne vous aidera pas à vous relever. En revanche, si vous votez oui et que vous faites partie de la communauté, vous renoncez à l'indépendance, peut-être triste, mais on vous aidera à vous relever. Donc c'est vrai que là, on dit toujours le référendum, c'est vraiment une procédure très démocratique. Mais tout dépend de la question qui est posée, comment elle est posée, quel projet est proposé. Et là, je pense qu'il y a vraiment dans la proposition de Gaulle une sorte de piège. Et les responsables africains sont très très gênés par ça, parce que eux, ils aimeraient bien avoir les deux. Nécessairement, enfin les peuples africains encore plus, c'est-à-dire une véritable indépendance, la liberté, et en même temps de pouvoir quand même se relever d'une période coloniale qui a complètement déstructuré les sociétés africaines. Et donc, il y a ce chantage finalement au développement, à la coopération, ce qu'on appellera plus tard la coopération, au développement. Et ça crée un énorme débat et des grandes divisions à l'intérieur entre les différents dirigeants africains que citait tout à l'heure Mitterrand. La grande division, c'est évidemment au sein du Rassemblement démocratique africain entre Félix Houphouët-Boigny, qui est extrêmement partisan du projet gaulliste, il a lui-même contribué à son élaboration, et quelqu'un comme Sékou Touré, qui fait lui aussi partie du Rassemblement démocratique africain, mais qui ne souhaite pas du tout, qui refuse d'une certaine façon ce chantage. Et donc là, c'est une division, mais il y en a plein. Il y a plusieurs types de divisions. Senghor lui-même est un peu gêné, c'est-à-dire qu'il voudrait vraiment pas se séparer de la France, mais en même temps, il trouve que c'est un peu excessif de vouloir absolument forcer le destin des peuples africains, etc. Donc il y a vraiment un débat qui est très intéressant qui se joue là. Et le 28 septembre 1958, il va falloir trancher. C'est oui ou non. Et là, c'est le destin de ces territoires qui se jouent. Mélanie Torrent, dans le cas britannique, a-t-on ces mêmes débats avec le choix laissé aux populations avec des référendums ? Alors, dans le cas britannique, finalement, le choix d'être indépendant, enfin, les négociations de l'indépendance, elles se font progressivement, elles se font très souvent autour de conférences constitutionnelles organisées à Londres, alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas avant ces conférences constitutionnelles des moments de répression intense, voire de violence beaucoup plus forte, de guerre, comme on en trouve d'ailleurs à l'époque dans les années 50 au Kenya ou à Chypre par ailleurs. Mais il y a une, donc c'est davantage avec les partis politiques, les élites politiques que les Britanniques négocient, plutôt que par référendum sur une indépendance ou pas. La raison en est aussi que la question se pose vraiment au cas par cas et non pas, comme dans le cas de la communauté, à l'échelle de plusieurs territoires en même temps. Et d'ailleurs, donc, quand ces transformations ont lieu en France, le gouvernement britannique y prête une attention vraiment très très nette et se demande s'il y a pour le gouvernement des leçons à tirer du référendum qui a lieu sur la communauté française en Afrique. Donc à l'époque, pardon. Je disais le référendum de septembre 1958. Juste, il faut quand même rappeler, Thomas Deltombe, combien les questionnements du moment sont majeurs. C'est-à-dire, d'accord, on crée une communauté, il y a une évolution, mais est-ce que l'ensemble reste ? L'Afrique équatoriale, l'Afrique occidentale, ou est-ce que on va avoir des pays tels que l'on les connaît aujourd'hui ? C'est vraiment ça qui pose problème. Alors c'est effectivement une des dimensions du problème, c'est-à-dire qu'il y a deux positions. La position de notamment de Senghor, qui est de dire il faut d'abord qu'il y ait une union entre les pays africains eux-mêmes, qui pourront ensuite, une fois qu'ils se sont coordonnés, s'allier à la France, maintenir le lien avec la France. Puis il y a la position d'un Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny, qui lui est contre cette idée de fédération primaire, disons, entre les différents territoires africains, et qui veut lui un lien direct, bilatéral, finalement, entre les capitales des différents territoires qui deviennent, par la même occasion, des États, hein, directement avec Paris. Et donc, il y a vraiment ce débat sur ce qu'on appelle la Confédération ou la Fédération africaine à l'époque. Je ne sais pas si on va rentrer dans tous les détails, parce que c'est un peu technique, et puis ça va disparaître très vite. Donc. Mais malgré tout, il y a vraiment cette question qui se pose de est-ce qu'on est ensemble des Africains qui dialoguons ensemble avec Paris, ou est-ce qu'on est des Ivoiriens, des Sénégalais, des Nigériens, etc., qui discutons un à un avec Paris. Et ça, c'est vrai que en fonction des intérêts des uns et des autres, des intérêts personnel hein, d'un certain nombre de gens, où Fouette-Boigny a tout à fait intérêt personnel hein, à dialoguer directement avec Paris, et ou des intérêts des territoires aussi, parce qu'ils n'ont pas tous la même géographie, le même accès à la mer, les mêmes avantages, les atouts, les inconvénients. Et donc, en fonction de ça, il y a des positions différentielles. Donc ça crée des tensions extrêmement vives, extrêmement vives. C'est vraiment une des guerres fratricides. Et c'est, à mon avis, un des objectifs à la fois de la loi cadre de fer dont on parlait tout à l'heure et du projet constitutionnel du général de Gaulle, c'est de créer des divisions. Diviser pour régner, oui. C'est vraiment la leçon classique de toute forme d'impérialisme, et ça fonctionne extrêmement bien. Voilà, pour l'Ivoirien Houphouët-Boigny, la proposition à la fin du mois d'août 1958 du général de Gaulle d'une communauté, bah oui, pourquoi pas, mais aussitôt en Guinée, Sékou Touré lui répond quelque chose de complètement différent. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Ce qui est vrai pour l'homme, l'est autant pour les sociétés et les peuples. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes. Nous étions le 25 août 1958, le lendemain de l'allocution du général de Gaulle qu'on a entendu tout à l'heure. Et Sékou Touré dit quelque chose de très clair, mais il y a toujours cette réflexion autour de l'union. On sent que personne ne rejette l'union, mais les liens sont tellement forts et se sont tissés pendant des décennies que ce n'est pas rejeter l'union, mais c'est complètement repenser la relation avec la France. C'est un discours qui est vraiment très intéressant, qui est très connu, mais qui peut faire l'objet de différentes interprétations. Je pense que le contexte est très important. C'est-à-dire qu'à l'époque, le projet constitutionnel gaullien n'est pas encore complètement fixé. Et cette phrase célèbre est en fait, à mon avis, une sorte de pression. Sékou Touré essaie de faire pression en fait sur De Gaulle en disant « Pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout? Pourquoi vous nous proposez pas, pourquoi vous nous proposez cette alternative, ce piège dont je parlais tout à l'heure ?» Soit la communauté, soit l'indépendance. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, peut-être comme dans le cas du Commonwealth, un compromis? Et je pense qu'en fait, moins qu'une insulte à De Gaulle, hein, ça a été perçu par De Gaulle comme une insulte, vraiment un crime de lèse-majesté, moins qu'une insulte, c'est plutôt une pression qu'il essaie de faire. Et d'ailleurs, le reste du discours n'est pas virulent du tout. Il a été relu d'ailleurs, ce discours. Il a été lu en amont par le gouverneur de Guinée, je crois, qu'il a parfaitement validé. Ça paraît pas choquant à l'époque, en fait. Ça paraît pas si choquant que ça. C'est le ton, je crois, qui a choqué De Gaulle, parce qu'il se retrouve en face et tout d'un coup, il est interpellé par ce monsieur Sékou Touré, qui est quand même beaucoup moins connu que lui-même, le grand général, etc. Et je pense que c'est le ton qui l'a plus choqué que véritablement ce qui est dit. Il sait très bien, De Gaulle, que beaucoup d'Africains voudraient à la fois l'indépendance et garder des liens avec la France. Donc ça ne devrait pas le choquer sur le fond, c'est plutôt sur la forme que ça le choque. Et quelque chose d'important aussi à ajouter, c'est que ce discours n'est pas, à mon avis, orienté contre De Gaulle ou même contre les Français, il est orienté contre Houphouët-Boigny. Ça a été dit par un certain nombre d'analystes. J'ai des archives, par exemple, de Pierre Mesmer, qui était le haut commissaire de l'AOF à l'époque, qui dit que c'est très clair, c'est pas du tout contre De Gaulle ce discours, c'est contre Houphouët, l'Ivoirien qui prend toute la place, et Sékou Touré qui se sent porté par une sorte d'élan de décolonisation, dit « moi, j'aimerais bien trouver ma place ». Surtout qu'il est très frustré que Houphouët-Boigny ait des beaux postes gouvernementaux en France, puis lui, rien du tout. Donc évidemment, je crois qu'il y a aussi ça, c'est pas la seule dimension, mais c'est quand même une dimension importante. Il s'adresse à Houphouët en disant « moi, je vais te défier à travers ce discours ». Pression peut-être pas tant vers le général de Gaulle que vers Houphouët-Boigny, très bien, mais dans l'autre sens, il y a des pressions aussi. Le général de Gaulle fait cette tournée absolument incroyable pour mettre en avant son référendum. On est en septembre 1958, enfin, tout à la fin du mois d'août, ben, c'est le moment là où l'on évoquait ces discours. C'est une folle tournée du général de Gaulle en Afrique. Ah, c'est impressionnant. C'est vrai que quand on voit les images, il y a une ferveur incroyable. Le général de Gaulle, c'est quand même une personnalité qui est, je crois qu'on peut pas le nier, en Afrique, c'est quasiment un surhomme, quoi. Il y a quelque chose de très spectaculaire. C'est un homme qui a fait l'histoire et qui est. Mais c'est pas pour ça que les Africains sont naïfs. Ils contestent, hein. Ils contestent. Sékou Touré le prouve. En tout cas, il essaie de négocier fermement. Et puis, on le verra aussi au Sénégal quelques jours plus tard, où dans la foule, il y a des pancartes qui soutiennent les nationalistes du FLN algérien et de l'Union des populations du Cameroun, qui est en guerre contre les autorités françaises aussi. Et il y a une véritable contestation populaire, qui n'est d'ailleurs pas sans parallèle avec l'actualité, d'une certaine façon. Oui, voilà, toujours l'écho du passé envers l'actualité, avec un petit air du temps qui, en Afrique, est à l'indépendance. Indépendance, oyo, yabisoe, et jari à la communauté, mindeleo, la bato baïdoe, osepelae, elongoe, indépendance, ya République du Congo, indépendance, oyo, yabisoe, et jari à bonde kobaningae, bakongoe, na bangarae, tozali motu mokoe. Dosepelae, indépendance, ya République du Congo. Aussi chante l'indépendance. Alors ici nous sommes bien sûr dans l'ancien Congo belge, mais la rumba congolaise est diffusée dans toute l'Afrique, est écoutée dans toute l'Afrique de l'Ouest. L'air est à l'indépendance également dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Noé Chavanne. Nous sommes toujours à nous interroger sur la communauté. Oui, la communauté, serait-ce l'échec d'un Commonwealth à la française? France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Thomas Dalton, dites-nous le résultat du référendum, la proposition de cette communauté française aux colonies françaises par le général de Gaulle en septembre 1958. Alors oui ou non? Alors oui, massivement oui, hein, en métropole et dans la plupart des territoires, dans quasiment tous les territoires colonisés qui ont participé au vote, hein, donc non, pas le Togo ni le Cameroun, hein, je précise, tous sauf la Guinée. Hein, la Guinée, effectivement, Sékou Touré, suite à ce discours, à cet embrouillamini finalement entre franco-guinéens, va voter massivement non et donc va devenir indépendant le 2 octobre 1958, je crois, directement. Et ça va valoir beaucoup de difficultés à Sékou Touré, puisque pendant plusieurs années, il va être l'objet d'une offensive radicale du mouvement gaulliste qui va essayer véritablement de le faire tomber, voire peut-être de l'assassiner. Ailleurs, c'est le oui qui l'emporte, parfois avec une certaine difficulté. C'est le cas au Niger en particulier. On parle beaucoup du Niger aujourd'hui. Le oui l'emporte, mais il a fallu mettre un coup de pression et magouiller les élections pour que le oui l'emporte. C'est-à-dire que au Niger, peut-être un petit point sur le Niger parce que c'est important. Il y avait le président du conseil de gouvernement au Niger, c'était quelqu'un qui s'appelait Djibo Bakary, qui était sur les positions, qui est quelqu'un qui avait été exclu du RDA, un adversaire d'Oufouette Boigny, qui était sur des positions qu'on dirait aujourd'hui anti-françaises. D'ailleurs, on disait à l'époque déjà anti-françaises. Et le gouvernement gaulliste, fraîchement arrivé en 1958, change le gouverneur de Guinée, nomme un gouverneur à poigne, dont Jean Colombani, qui va faire pression sur Djibo Bakary et qui va s'organiser de façon très violente pour que le oui passe. Il y a énormément d'abstention, je crois 60% d'abstention, ce qui, dans les régions justement les plus critiques du projet, et ce qui permet de faire passer le oui. Le gouverneur Colombani en profite pour faire tomber Djibo Bakary et remplacer Djibo Bakary par un allié d'Oufouette Boigny, un allié de la France, Amani Diori. C'est ce que l'historien Klaas Van Walraven, historien néerlandais, appelle le premier coup d'État moderne dans l'histoire de l'Afrique. Donc c'est intéressant de le signaler aujourd'hui, je pense, parce que le Niger a été le théâtre de ce premier coup d'État. Donc voilà, le oui l'emporte partout, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce oui ne règle rien. Il ne règle aucun problème, c'est-à-dire que les revendications restent bien présentes. Senghor était très insatisfait par cette espèce de chantage référendaire. Modibo Keïta au Mali, ce qu'on appelait à l'époque le Soudan français également, ils ne souhaitent pas en rester là. Donc ils ont voté oui, mais pour eux c'est simplement une étape vers quelque chose d'autre. Et De Gaulle le sait très bien d'ailleurs. Il y a une archive, un témoignage intéressant de Jean Mauriac, un journaliste de l'AFP, qui rencontre De Gaulle et qui dit « formidable ». Alors justement, un Commonwealth, vous avez réussi à faire un Commonwealth à la française, c'est formidable et tout. Et De Gaulle le bat froid, il lui dit « non, c'est une foutaise ». Je sais très bien que les pays qui vont voter oui, les dirigeants vont vouloir accéder le plus rapidement possible à l'indépendance. Donc lui-même, il sait que la communauté est condamnée, avant même qu'elle existe. C'est fort ce que vous dites là, hein, parce que ça veut dire que dans le projet du général de Gaulle, il y a cette volonté de trouver une solution à une situation dans ce moment de la fin des années 50 où ça ne peut pas durer, mais avec déjà la conscience que cette solution elle-même est à court terme. Voilà, c'est une étape. C'est une étape. Il le sait très bien. Et je pense que c'est une étape qui est aussi, on ne va pas forcément développer cet aspect-là, mais qui est très liée au fait qu'on est en pleine guerre d'Algérie. Alors évidemment, le contexte est très compliqué pour De Gaulle, qui est menacé sur le plan international. Les Américains qui essaient de mettre la pression sur la France. La France est très critiquée dans sa politique coloniale. Et donc, De Gaulle, comme ses prédécesseurs de la 4ème République, essaie de montrer que non, regardez, les colonisés, les responsables colonisés sont capables de trouver un compromis avec la France. Pourquoi on ne trouverait pas le même type de compromis en Algérie? Je pense c'est une des dimensions du calcul, c'est un des aspects du calcul gaullien. C'est d'essayer de faire de la communauté française une sorte d'entre-deux qui permettrait aussi d'être un exemple pour l'Algérie, sachant qu'il y a quand même un territoire extrêmement stratégique en Algérie et dans cette zone, qui est le Sahara, où on a découvert en 1956 du pétrole, qu'on a commencé à exploiter, et où on expérimente des armes nucléaires. Avec cette complexité que l'Algérie... Ce sont des départements français et ce n'est pas une colonie. Et on voit bien ici tous ces tiraillements et ces différentes voies de décolonisation avec une limite pour comparer la communauté française et le Commonwealth, c'est que pour un bon Commonwealth, il faut une reine. Escorté par 15 destroyers, salué par les salves réglementaires, le yacht Britannia, portant à son bord la famille royale d'Angleterre, est arrivé en vue de Malte, l'imprenable bastion de la Méditerranée centrale. Sur cette île où le duc d'Édimbourg tint garnison au lendemain de son mariage, la jeune souveraine devait présider une imposante revue au cours de laquelle on eut l'occasion de vérifier la valeur indiscutable du flegme britannique. De leur côté, le petit prince Charles et la princesse Anne prenaient pied avec une dignité parfaite sur la terre des anciens chevaliers de Jérusalem. Pendant ce temps, autour de son rocher célèbre, Gibraltar se préparait à la visite royale. En vue d'éviter certaines manifestations annoncées par des groupes de nationalistes espagnols, les frontières de l'enclave étaient soumises depuis quelques jours à une surveillance qu'on peut dire méticuleuse. Et Gibraltar, dernière étape de ce voyage autour du monde, accueillait dans la plus pure forme traditionnelle sa jeune reine en lui offrant les clés de la citadelle. Ah, cette jeune reine, c'est Elisabeth, bien sûr, et le gamin sur le bateau, c'est actuellement Charles III. Nous étions en 1954. Dites-nous, Mélanie Torrent, dans l'évocation de la construction d'une communauté française, il y a, c'est certain, de la part du Royaume-Uni, sans cesse, un regard porté sur cette expérience-là. Comment c'est perçu, du point de vue du Royaume-Uni, l'exemple français ? Alors, du point de vue du Royaume-Uni, il y a plusieurs leçons en fait qui sont tirées de l'expérience de la communauté. Ça donne lieu à une correspondance très très soutenue entre ambassadeurs, entre administrateurs coloniaux en Afrique et Un des intérêts principaux du Royaume-Uni, c'est effectivement, on est à une période vraiment de transition. En 58, le seul pays de l'Afrique britannique qui est devenu indépendant, c'est le Ghana en 57. Enfin, il y a eu le Soudan qui est un cas particulier, un petit peu de condominium avec l'Égypte en 56. Mais donc, il y a vraiment cette crainte du point de vue du gouvernement conservateur de Macmillan d'être peut-être dépassé par la France après avoir eu en 57 finalement cette victoire entre guillemets de l'indépendance du Ghana au sein du Commonwealth. Mais en réalité, quand les conclusions qui sont tirées par les Britanniques, alors elles sont plusieurs d'un point de vue de politique coloniale ou impériale. L'exemple français leur semble finalement inapplicable de leur point de vue. Soit les territoires concernés sont déjà plus avancés dans l'émancipation constitutionnelle, ou alors, de leur point de vue, la transition se fera de façon à horizon beaucoup plus lointain. Donc c'est ce qu'ils pensent notamment pour leur territoire où il y a des colonies, des communautés de colons britanniques importantes, notamment la Rhodésie du Sud ou le Kenya. Et donc en fait, l'examen de ce qui se fait en Afrique française à l'époque, ça renforce finalement leur pragmatisme et leur conviction qu'il faut en fait opérer au cas par cas et traiter au cas par cas, c'est renforcé aussi par le nom de la Guinée dont on vient de parler. Oui, travailler au cas par cas, autrement dit bricoler, on entend la perceuse justement de ce bricolage. Thomas Deltombe, dans ce Commonwealth à la française, cette communauté, on a une fin. Mais sur le papier, avec une date qui est en fait très proche, c'est 1960, pourquoi ça prend fin aussi rapidement ? Ça prend fin parce que un certain nombre de dirigeants souhaitent, malgré tout, malgré le chantage référendaire, souhaitent malgré tout accéder à l'indépendance. Et De Gaulle accepte. Ce qu'il avait refusé assez couturé, hein. On pourrait dire que la France a dit non à la Guinée. On dit souvent la Guinée a dit non à la France, mais en fait la France avait dit non, De Gaulle avait dit non à ce type d'indépendance, c'est-à-dire indépendance dans la coopération avec la France. En décembre 1959, De Gaulle accepte et dit finalement oui, pourquoi pas. Alors simplement, il y a une précaution de langage, il dit il s'agit moins d'indépendance que de souveraineté internationale. Hein, vraiment, le mot indépendance, ça le chatouille et effectivement, il n'a pas tort, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie indépendance. Parce que le système qui s'élabore à partir de ce moment-là, il l'explique très clairement, c'est on vous rend à la souveraineté internationale, on rend les territoires colonisés d'Afrique à la souveraineté internationale, mais dans le même temps, les dirigeants de ces territoires devront signer des accords de coopération. Des accords de coopération qui, en fait, sapent la souveraineté de ces États. Souveraineté monétaire, souveraineté militaire, sécuritaire, souveraineté diplomatique. Enfin, finalement, les grands chantiers, les grands dossiers communautaires qui étaient en fait gérés par Paris continueront à l'être dans un cadre d'indépendance. Et donc là, c'est là qu'on rentre de plein pied dans ce système assez particulier, très français, très franco-africain, des indépendances sans souveraineté, ni nationale, ni populaire. Donc là, on se retrouve vraiment dans un système assez spécial où c'est des indépendances. Les opposants parlent d'indépendance nominale. Par exemple, Sékou Touré et ses diplomates à l'ONU disent il y a un plus grand danger que le colonialisme, c'est ce néocolonialisme qui nous octroie une indépendance qui n'en est pas une. Donc on a l'air content, on a notre drapeau, mais en fait on n'a rien de substantiel. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est un nouveau chantage, de toute façon. Il y a une lettre qui est envoyée par Michel Debré, qui est Premier ministre à l'époque, qui écrit à Léon Mba au Gabon, qui lui dit « Deux systèmes entrent en application au même moment, l'indépendance et la coopération. » Et il dit « L'un ne va pas sans l'autre. » Et on vous donne quelque chose, on vous donne de la main droite ce qu'on vous reprend de la main gauche, ou inversement. Thomas Dalton, on a commencé cette émission en disant que la communauté française, donc qui naît en 1958, en fait trouve ses origines auparavant par la pensée ou même par des organisations mises en place. Mais vous nous dites qu'elle ne se termine pas en 1960, en fait, et que ça continue. Cette communauté française ne disparaît pas. C'est pas un échec, c'est qu'elle disparaît par son nom. Tout est là, en fait. Tout demeure encore dans les années 60 par les relations complexes que la France impose à ces pays qui sont désormais indépendants. C'est ça. On dit souvent que la communauté a été un échec. Oui, d'un point de vue, la communauté institutionnelle, c'est un échec, effectivement. Elle n'a pas fonctionné, elle n'a jamais été vraiment mise en œuvre. Mais d'un point de vue philosophique, disons, ou d'un point de vue colonial, c'est un succès. C'est-à-dire que ça a été un moyen de faire la transition entre ce qu'on appelle le colonialisme et le néocolonialisme. Et donc finalement, la communauté était une sorte de médiateur. La communauté, ça a permis de passer finalement de la situation coloniale directe à la situation néocoloniale très dure et très forte. Le Focartisme, vous en parlerez sans doute dans les émissions suivantes, autour de Jacques Focart, le conseiller Afrique du général de Gaulle, qui va être une des figures clés de ces relations franco-africaines et des relations interpersonnelles entre De Gaulle et les dirigeants africains. Donc c'est finalement, la communauté n'est pas un échec du point de vue français. C'est plutôt une réussite. Paradoxalement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, pour nuancer tout ce que nous pouvons avoir comme réflexion sur cette communauté française, mais toujours à prendre en compte la diversité de l'Afrique, parler de l'Afrique comme un tout est toujours une erreur. Et sur le cas du Cameroun, là aussi, on va avoir un cheminement différent. Alors il y a plusieurs mythes à mon avis. Le premier mythe, c'est de dire il y a eu une décolonisation. Finalement, la décolonisation, c'est une vraie indépendance. Ça, c'est un mythe. Je crois que maintenant, on le sait, c'est des fausses indépendances quand même très largement. Je crois que c'est pas contesté. Le deuxième mythe, c'est qu'il y aurait eu une décolonisation pacifique en Afrique subsaharienne, contrairement à l'Algérie ou à l'Indochine. Mais là, je crois que c'est un mythe qu'il faut aussi, sur lequel il faut travailler. Et ce que j'ai fait avec des camarades il y a quelques années, c'est travailler sur le cas du Cameroun, il y a eu une guerre très violente. La France a voulu imposer un régime ami au Cameroun, et or la France était confrontée à un mouvement nationaliste extrêmement puissant, porté par l'Union des Populations du Cameroun, l'UPC. Et donc, là où ça n'a pas fonctionné par la ruse, comme dans d'autres territoires, on a fonctionné par la force. Et c'est un conflit qui est encore assez méconnu, mais qui a fait des dizaines de milliers de morts, et les Camerounais s'en souviennent très bien. La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique, c'est votre ouvrage avec Manuel Domergue et Jacob Tsatitsa, avec ici toute une réflexion à avoir sur la violence pendant cette période que nous évoquons, 1958, 1960, la violence qui existait sans doute avant, qui existe après, elle fait partie aussi de cette construction-là. Nous parlons ici de pression, mais la pression, elle est concrète sur les corps des gens qui sont, alors directement par les Français peut-être pas, mais peut-être aussi, et ou plutôt également par ceux qu'ils soutiennent, une vraie répression. Et on peut le voir dans tous les pays. Vous avez parlé du Niger, on parle du Cameroun, il y a des morts. Il y a des morts, et puis il y a une répression secrète qui dure jusqu'à aujourd'hui. Hein. Dans énormément de pays, les opposants sont, on peut citer le Cameroun, les opposants du mouvement pour la rénovation du Cameroun, le MRC, ils sont en prison aujourd'hui. Donc ça, c'est une histoire longue. On dit souvent c'est la fin de la France-Afrique, etc. Peut-être qu'il y a effectivement des changements, mais il y a des changements, il y a aussi des prolongements, il y a aussi des choses qui ne s'arrêtent pas, et on n'est pas forcément sorti de ça. Il y a eu, effectivement, dans tous ces pays, une répression immense, très très forte contre tous les dissidents, contre toutes les paroles divergentes. La France-Afrique, Une histoire de la France-Afrique, l'empire qui ne veut pas mourir. C'est votre ouvrage. Alors, pas seulement à vous, parce que c'est un ouvrage, je le disais, c'est une somme, mais que vous avez co-dirigé, Thomas Deltombe. Et dans cette histoire de la France-Afrique, il faut vraiment retenir que la France-Afrique ne demeure pas simplement l'aspect occulte. Et vous l'avez bien dit, c'est aussi un vrai choix politique. C'était vraiment un affichage voulu par les dirigeants. Échec qui n'en est pas un. La France-Afrique est toujours présente, en fait. En tout cas, ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'elle ne cesse de se renouveler pour ne pas mourir, d'où le titre. C'est-à-dire, on réforme, hein, et on l'a vu d'ailleurs tout du long de cette émission, on réforme les institutions, on réforme la relation franco-africaine pour qu'elle reste très particulière. Donc ce qui permet à chaque fois maintenant, quand on voit un titre, la fin de la France-Afrique, systématiquement de se méfier. Merci beaucoup à vous Thomas Deltombe. Merci de nous avoir présenté cette histoire de la France-Afrique. C'est publié chez Point. Et merci beaucoup Mélanie Torrent et J'évoque cet ouvrage avec Claire Sanderson, La puissance britannique en question, diplomatie politique étrangère au XXe siècle. Et pour poursuivre notre aventure historique, c'est le temps du pourquoi du comment avec Gérard Noiriel. Comment voyait-on les Turcs au Moyen-Âge? Depuis 1095-96, date de la première croisade, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les affrontements entre les Européens de l'Ouest et les Turcs se sont constamment reproduits. Ce qui explique, pour une large part, les représentations négatives de ce peuple dans la littérature européenne. Lorsque les croisés furent confrontés pour la première fois aux guerriers turcs, ils eurent tendance à les confondre avec les autres Sarrasins. Mais au cours des siècles suivants, les Turcs s'installèrent définitivement en Anatolie avant d'occuper les Balkans à partir du XIVe siècle. Ils furent alors perçus comme des ennemis menaçants, poussant de plus en plus leurs conquêtes vers l'ouest de l'Europe. À partir de cette époque et jusqu'au XIXe siècle, le Turc devint synonyme de musulman dans la plupart des langues européennes. Pourtant, les historiens qui ont comparé les sources chrétiennes et musulmanes ont montré que la vision négative des Turcs était également très répandue dans les écrits arabo-persans, alors même qu'ils étaient leurs alliés. Originaires d'Asie centrale et cousins des Mongols, les Turcs s'étaient convertis à l'islam, mais ils conservèrent longtemps un fort particularisme. Parmi ces spécificités, on peut citer leur langue, aussi étrange pour les autres musulmans, persans, kurdes et arabes, que pour les chrétiens, orientaux, grecs et latins. Les Turcs pratiquaient aussi l'endogamie, refusant l'union officielle de leur famille avec celle des notables arabes auxquels ils avaient imposé leur domination. Ils se distinguaient également des autres communautés musulmanes, notamment parce qu'ils fréquentaient leur propre mosquée et que leurs femmes n'étaient pas voilées. Cette logique communautaire provoqua des malentendus et des incompréhensions qui alimentèrent l'image négative des Turcs à partir du Moyen-Âge, que ce soit dans les écrits de leurs alliés musulmans ou dans les descriptions faites par leurs adversaires chrétiens. Dans le portrait stéréotypé du Turc, la violence et la cruauté le disputent à l'ignorance et la barbarie. Toutefois, la comparaison des sources chrétiennes et musulmanes montre que les unes et les autres leur reconnaissaient malgré tout une grande qualité qui tenait principalement à leur valeur guerrière. C'est cette réputation militaire qui incita François Ier à s'allier au sultan ottoman surnommé Soliman le Magnifique, qui régnait alors sur un immense territoire s'étendant des Balkans jusqu'à la Perse. Vaincu par Charles Quint en 1525 lors de la bataille de Pavie, le roi de France prit conscience que Soliman était le seul allié suffisamment puissant pour s'opposer aux ambitions de celui qui avait été couronné empereur en 1520 et qui rêvait de restaurer l'unité de la chrétienté sous son autorité. Le traité d'alliance, signé entre François Ier et Soliman en 1536, comprenait des dispositions qu'on appelait des capitulations, donnant aux Français des garanties concernant la sécurité des biens et des personnes et un quasi-monopole sur le commerce avec l'Orient. Ces capitulations, renouvelées en 1604, furent maintenues jusqu'à la naissance de la République de Turquie en 1923. Merci Gérard Noiriel. C'est le cours de l'histoire sur France Culture. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscan Judès, Jeanne Copé, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizioua. Écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture. L'esprit d'ouverture.